Le Lift, une vision du temps selon Chanel, vous présente le questionnaire de Chanel. Aujourd'hui, nous recevons Nicolas Maury, comédien. Bonjour Nicolas. Si vous étiez une ride, laquelle seriez-vous ? C'est difficile d'incarner une ride quand on veut toutes les effacer. C'est un peu des ennemis les rides, non ? La ride du lion, parce que c'est beau le lion. Ride, tout doit disparaître ? Non, il faut un juste aller-retour entre la perfection et l'imperfection. Et quand même, non, tout ne doit pas disparaître. Dans la peau de qui aimeriez-vous être ? J'emprunte tellement de peau pour me rapprocher, je crois, un petit peu de la mienne que c'est une question un peu vertigineuse pour moi. Merci Nicolas. Le Lift, une vision du temps selon Chanel, vous a présenté le questionnaire de Chanel. Le problème avec l'oubli, c'est qu'on oublie souvent qu'il peut être volontaire. Et même quand il ne l'est pas volontaire, le fait d'oublier quelque chose ou quelqu'un vous trahit, c'est un acte manqué souvent que d'oublier. Oublier ses clés, oublier une phrase qu'on a prononcée, oublier de dire quelque chose qui n'était pas si facile à dire. En réalité, c'est peut-être pour ça qu'on a oublié de le dire, tout compte fait. Oublier une personne ou un groupe de personnes parce que c'est plus commode de s'en passer. Oublier, c'est aussi ne pas vouloir prendre en compte ou en considération. C'est une façon d'effacer, de supprimer, de faire disparaître quelque chose ou quelqu'un de son histoire. C'est un acte terrible la plupart du temps que d'oublier. Et je me demande ce matin dans quelle mesure on s'interroge sur ce qu'on oublie, sur celles et ceux que l'on oublie aussi, plus ou moins volontairement, sur la façon dont on pense l'actualité, par exemple, dans nos métiers, l'information qui est toujours, on le sait, hiérarchisée, ce qui se fait toujours au prix d'oubli, plus ou moins volontaire, encore une fois. Qui sont pour vous les oubliés de l'actualité, celles et ceux dont il faudrait se souvenir, celles et ceux dont il faudrait parler ? Boomerang, boomerang. Augustin Trapenard. Bonjour à tous, bienvenue dans Boomerang. De quoi mon invité d'aujourd'hui s'efforce-t-elle de toujours se souvenir ? Historienne, directrice de recherche au CNRS, spécialiste du XVIIIe siècle, elle explore depuis plus de 40 ans les marges silencieuses et invisibles. En septembre dernier, elle publiait « Vie oubliée », passionnante plongée dans des archives de police, au gré desquelles elle reconstitue par fragments les vies d'hommes et de femmes passées à travers les mailles de la grande histoire. Bonjour Arlette Farge. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Mais c'est moi. Ce matin, avant toute chose, parce que c'est quand même quelque chose sur lequel vous travaillez et que vous pensez forcément, qu'est-ce que l'actualité oublie aujourd'hui ? Justement, c'est bizarre. Je trouve que l'actualité, elle ressasse souvent les mêmes propos. Et puis, elle oublie des choses qui lui semblent peut-être sans intérêt et qui fait qu'il y a énormément d'incidents ou même de personnes qui deviennent totalement invisibles. Oui, vraiment. Lorsque je vous ai demandé par quoi vous aimeriez ouvrir cette émission, vous m'avez parlé de la grève des femmes de chambre de l'hôtel Ibis Batignolles. Oui, c'est quelque chose qui m'a énormément frappée, parce qu'elles apparaissent tout d'un coup. Elles sont depuis 3 ans en grève, et puis tout d'un coup, on a un flash voilà, à la télévision sur elles. Flash qui a échappé à beaucoup de personnes, d'ailleurs. Je crois. Et elles sont toujours en grève, elles étaient encore le 3 janvier, elles étaient là... Il faut s'imaginer qu'est-ce que ça doit représenter pour elle. Enfin, un hôtel de luxe, plus ces femmes-là, qui sont à peine payées et qui sont obligées... il y a 706 chambres, hein, je crois, à cet hôtel. Et elles sont obligées de... Elles sont même pas payées à l'heure, elles sont payées à la chambre. Et il y en avait une qui disait... Moi, ça m'avait vraiment frappée. Elle avait dit, mais je pleure tout le temps tellement je suis fatiguée. Et... Ça me touche parce que je pense que tout ce qui est du registre des sensibilités, des émotions, etc., surtout quand elles viennent de milieux prolétaires, là je crois qu'on peut employer le mot, on l'emploie plus, mais oui. Là franchement, je pense que les femmes de ménage et les femmes de chambre de ces grands hôtels, vous rendez compte, hein, des grands hôtels de luxe, plus des femmes comme ça. Alors qu'est-ce qui se passe, Arlette Farge, quand on rompt le silence, quand on fait la lumière sur quelque chose qui jusqu'alors était passé inaperçu ? Alors, en fait, si on a une passion qui est celle de transmettre et que on veut justement s'attacher à des personnages comme ça, je pense au XVIIIe siècle, c'est en fait ce qui fait mon désir d'être historienne, c'est justement d'aller au creux même des lieux qui n'ont pas été vus, qui n'ont pas été entendus, qui n'ont pas, mais pas tant pour pas les. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'histoire, elle est prisonnière de l'événement, du grand événement, etc. Et puis, elle est prisonnière aussi d'un académisme absolument certain. On cadre le savoir, il faut qu'il soit cadré, etc. Et si vous débordez, que vous décadrez le savoir, en vous en allant vers l'unique, vers ce qui ne se sait pas, vers ce qu'on n'a pas pu voir ou ce qui ne semble pas intéressant, ce qu'on laisse de côté quand on fait sa thèse, ce qu'on laisse de côté quand on fait un livre, parce qu'on se dit que c'est pas intéressant. Et ben, tout ça, moi, je me suis dit qu'il était temps que tout ce non-su, pas caché volontairement par les historiens, je vais pas du tout les critiquer comme ça, mais parce que ça correspond pas au sort académique de l'histoire. C'est ce que vous faites. Ben, n'est jamais là. Depuis plus de 40 ans, on le disait, rendre les marges visibles, oui. C'est un enjeu politique aussi. Ben, bien sûr, pour moi, c'est un engagement politique. C'est sûr que de faire apparaître, alors, deux choses, non seulement, la vie des gens humbles, et puis là, bon, ben moi je suis vraiment redevable à Jacques Rancière d'avoir apporté ce qu'il a apporté sur les archives du rêve ouvrier, c'est-à-dire ces gens dont on croit qu'ils pensent pas, dont on croit qu'ils ont pas de culture, dont on croit qu'ils n'ont rien. Et quand j'ai travaillé sur ce que les gens morts dans la rue avaient dans leur poche, et que je voyais tous ces objets culturels, et je me disais, oui, et quand je passe devant un SDF, quand je passe devant quelqu'un qui dort dans la rue, qu'est-ce qu'il a dans ses poches? Oui, il a des livres, souvent. Et moi, c'est ça que je voudrais dire, c'est ça que je voulais transmettre, c'est là-dessus. Je dans Vie oubliée, Arlette Farge, à travers des archives judiciaires du XVIIIe siècle, vous nous faites découvrir les fragments de vie d'ouvriers, de domestiques, d'artisans, de femmes. Et ces archives, qui sont issues de vos précédentes recherches, vous les appelez vos reliquats. Oui, parce que, alors évidemment, un reliquat, c'est un terme aussi qu'on emploie dans les archives, que les conservateurs, quand ils savent pas comment classer les archives, ils mettent dans une boîte, puis ils marquent reliquat. Donc c'est merveilleux de les ouvrir. C'est-à-dire que le désordre fait sens. Alors voilà, d'abord c'est désordonné, c'est pas daté, et c'est là, c'est présent. Et puis, la relique, c'est à la fois, c'est ce à quoi on est attaché, finalement. C'est un côté symbolique et un peu religieux, bon. Mais abandonnons le religieux. Et je crois qu'il faut c'est tout ce qui est resté en déshérence. Oui. Et ce qui est resté en déshérence est toujours important. Et ce que vous nous dites, et c'est ça qui est passionnant, c'est que faire de l'histoire, c'est d'une certaine façon mettre en ordre la réalité. C'est-à-dire que ça revient toujours à raconter une histoire. Bien sûr, ça raconte une histoire. En même temps, ça raconte des histoires. Ça raconte l'histoire des individus, des personnes uniques. Ce qui n'intéresse pas. En général, l'historien ne s'intéresse pas à l'unique. Et c'est un vrai défi que de s'intéresser à l'unique. Je dois avouer que quand j'ai écrit le livre, je me suis dit non, c'est pas possible. Ça va pas marcher. Vous le dites souvent, ça? Que oui, ça va pas marcher. J'ai un tempérament un peu comme ça. Mais là, je me disais quand même, mettre bout à bout des archives. Mais plus j'écrivais, plus ça prenait sens, et plus j'étais emportée, en fait, parce que ces archives que j'avais, ça, je crois que c'est très important, recopiées à la main. J'ai toujours recopié à la main les archives. Je suis pas avec un selfie en train de les photographier. Ah, c'est pas du tout comme ça qu'on vous imagine en train de travailler, Arlette. Mais quand je vois les autres, ça fait à côté de moi, qui prennent plein de photos, je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font? À quoi ça sert? Mais moi, je veux que mon corps, il soit aussi saisi par ce que j'écris. Et c'est pour ça qu'après, j'ai pu faire ce livre, parce qu'à la maison, il y avait plein d'archives comme ça que j'avais pas utilisées, et qui étaient là, écrites de ma main, et que j'ai pu essayer de mettre en ordre. Enfin, c'est un ordre pas vraiment académique, mais il y a un ordre quand même. Un ordre pas vraiment académique. Votre livre se termine par cette citation de Pascal Quignard qui dit qu'on pourra jamais savoir avec certitude comment les choses se sont passées en réalité, pour la simple raison que dans la réalité, les choses ne se sont pas passées comme dans un récit. Le doute, Arlette, quel outil est-ce que c'est pour l'historienne que vous êtes? Alors, le doute, pour moi, c'est l'envie de le dépasser constamment, non pas pour être dans la vérité. Je sais que je suis jamais dans la vérité, que je ne la cherche pas parce que je pense qu'elle n'existe pas. Mais je veux être dans la, dans le vraisemblable, dans le véridique et dans la proximité. Mmh. Et plus que ça, je voudrais être, pouvoir dire aux gens que ce qui s'est passé hier, ça leur importe encore aujourd'hui. Ils le savent pas. Mais c'est, ils sont travaillés par ça sans le savoir. Et l'histoire, c'est de dire ça, de nous dire à nous tous, les historiens et les historiennes, on devrait dire à tout le monde, vous êtes compagnons de tous ceux qui ont existé avant vous. Mais ça, c'est rare. Vous voulez dire qu'il y a de moins en moins de doutes, de questionnements, d'interrogations aujourd'hui? C'est ça qui vous apparaît? Ah ben, il y a des doutes sur l'écriture de l'histoire. C'est-à-dire, en ce moment, il y a tout un débat sur l'écriture de l'histoire. Est-ce qu'elle va vers la fiction, trop vers la fiction, pas, ou pas assez? Mais, quand je prends mon exemple, quand je travaille, j'ai pas de doute. Jamais. J'ai pas de doute parce que c'est comme si je voyais les gens, c'est comme si je les entendais, c'est comme si je touchais les tissus qu'ils ont touchés. C'est très particulier. Celle qui nous fait douter, en revanche, dans cette émission, et plus souvent qu'à son tour, Arlette, peut-être que vous la connaissez, c'est la culture. Et son actualité douteuse, justement, peu fiable et instable. Que se passe-t-il donc aujourd'hui, mardi 4 février? Qu'est-ce que vous pensez de ce que je vous dis? Personnellement, je suis très poli. Je m'en moque éperdument. Prévert d'anniversaire, c'est aujourd'hui exactement que l'on célèbre les 120 ans de la naissance de Jacques Prévert, né à Neuilly en 1900, mort en 1997. Et pour faire vivre l'esprit et le verbe du poète, la ville d'Aumonville-la-Petite, dans la Manche, où Prévert passa ses dernières années, propose un parcours d'ateliers, animations, expositions tout le long de la saison. Et notamment un focus sur le groupe Octobre, troupe de théâtre engagée dont le poète fut l'auteur principal en 1932 et en 1936. Chic, chic. All the good girls go to hell. Éclat de glace, le jury du Festival du film fantastique de Gérard May, présidé par Asia Argento, a rendu son verdict dimanche. Résultat, c'est Saint-Maud, le premier film de la cinéaste britannique Rose Glass, qui a cassé la baraque en raflant pas moins de 4 récompenses, dont le grand prix de cette 27e édition, dont sont rappelés le cultissime Exorciste. Le film met en scène une infirmière dévote, victime de crises mystiques fulgurantes et horrifiques, sur une bande-son de Billie Eilish. Amen. La pensée française a toujours eu ce côté, certainement depuis le XVIIe siècle, elle s'adresse à l'homme, à l'universalité morale de l'homme. Steiner de gloire, penseur, critique, philosophe, l'intellectuel George Steiner est mort hier à Cambridge. Il avait 90 ans, auteur d'une œuvre prolifique qui navigue entre poésie, linguistique et métaphysique. Il était l'une des grandes plumes du New Yorker où il officia comme critique littéraire pendant plus de 30 ans. Théoricien de la traduction, il avait notamment fait paraître Après Babel en 1975, ouvrage de référence en matière de philosophie du langage et de la signification. Et enfin, en marge du Festival d'Angoulême, le dessinateur algérien Nim a reçu ce week-end le prix Kouyoku du Courage Artistique 2020, une récompense créée pour mettre en avant le travail d'un artiste menacé dans son pays. Dessinateur satirique, Nim a été arrêté et condamné fin novembre à 1 an de prison avec sursis, dont 3 mois ferme, à cause d'un dessin politique qui caricaturait les 5 candidats à l'élection présidentielle algérienne. Kouyoku. Historienne Arlette Farge, invitée de Boomerang ce matin. Parmi les livres qui vous ont fait connaître, il y en a un, paru il y a 31 ans, qui moi m'a beaucoup marqué. Ce livre, c'est Le goût de l'archive, Arlette. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois que vous êtes plongée dans un fond d'archives? Oui. Je me souviens très bien parce que à cette époque-là, les fonds d'archives étaient vraiment très mal entretenus, faut dire. Donc, en fait, c'était des liasses comme ça, ficelées. Donc, on retirait la ficelle et déjà on avait les doigts tout sales, tout plein de poussière. Et puis là, mais c'est une espèce de stupeur, c'est-à-dire je vois des gens qui vivent. Or, bon, j'avais appris que l'histoire c'était l'histoire de gens qui vivaient, bien sûr, mais là je vois des gens dans leur quotidien le plus absolu, dans leurs doutes, dans leurs hésitations, dans leurs espoirs, dans leurs indignations, dans leur colère, dans leur infamie aussi, dans ce qui a été chez eux de plus trouble ou de plus obscène. Et tout ça vous apparaît comme ça? Ah non, mais ça apparaît tout de suite, parce que je travaille sur les archives de police, il faut dire. Donc effectivement, on me dit souvent, bah, elles sont biaisées, parce que c'est des archives de police, moi j'y crois pas. Parce que il y a aussi les témoignages, les gens qui sont là autour pour dire, oui, j'ai vu ça, Et là, on a tout un artifice de couleurs, de paysages, de gens. Il y a quelque chose de l'ordre du talisman, en fait, à vous entendre. Et dans Vie oubliée, vous écrivez, page 132, que le toucher peut devenir l'outil de l'historien. Qu'est-ce que vous voulez dire, ici ? Oh, je veux dire, vous savez, le jour où j'ai retrouvé, dans les archives de l'assistance publique, les billets qui étaient conservés comme si ça avait été écrit hier, dans les langes des enfants nouveau-nés, où les parents avaient mis, en écrivant de façon phonétique, qu'ils espéraient retrouver leur enfant, et que pour cela, ils lui mettaient une petite boucle d'oreille et ils gardaient l'autre pour peut-être le retrouver à l'hôpital des enfants trouvés. Ce jour-là, je me suis dit que toucher ces billets, toucher ces tissus aussi que les parents mettaient en gardant un autre morceau de tissu par-devers eux, je me suis dit que oui, le toucher pouvait être une leçon d'histoire, qu'on pouvait écrire quelque chose sur le toucher. Ça pose quand même des questions passionnantes sur l'avenir du métier d'historien à l'heure de la dématérialisation, du tout numérique. Mais c'est ça le problème. Mais ça va tout changer. Ah mais non, mais c'est atroce. Moi je vous dis, c'est atroce. L'autre jour, on a fait un colloque justement là-dessus. Mais c'est atroce pour les archivistes. Si vous voulez, c'est perdre quelque chose. Combien de fois j'ai touché des objets ? Énormément, beaucoup, souvent. Et les photographier, c'est rien. Enfin, pour moi, c'est rien. Donc, effectivement, je me suis même demandé si j'allais pas un jour écrire sur le toucher en archive. Et puis, je me suis dit, bon, faut peut-être arrêter quand même. Ah non, ça serait intéressant. Ah bon ? Ces archives réunies dans Vie oubliée, elles témoignent, Arlette Farge, entre autres, de votre intérêt pour la condition féminine. Alors là, c'est passionnant. Quelle est la place des femmes dans la société française du XVIIIe siècle, pour qu'on comprenne tout de suite? Mais écoutez, c'est une place très grande parce que, j'ose le dire, on vit dans la rue. Et donc, hommes et femmes des milieux populaires, bien sûr, vivent dans la rue constamment, vont de travail en travail. Et donc, ils vivent dans une certaine mixité. Je pourrais même dire, je sais que ça ne se dit pas en ce moment, mais bon, c'est pas politiquement correct, mais dans une espèce d'aisance entre les sexes, sauf qu'il y a des codes à ne pas dépasser et qu'il y a énormément de violence entre hommes et femmes. Par contre, et ça je suis vraiment contente de pouvoir le dire, surtout à l'heure actuelle où on parle beaucoup de libération de la parole, de tout et de libération de la parole, eh bien... J'ai peut-être étonné, mais au XVIIIe siècle, les femmes, dès qu'il y avait un problème, qu'elles avaient été touchées, ou qu'elles avaient été harcelées, ou qu'elles avaient été violées, ou qu'elles avaient été maltraitées par leur mari, ou leur concubin, elles vont tout de suite chez le commissaire de police. Et le commissaire de police les écoute. Ouais, vous écrivez qu'au XVIIIe siècle, alors que tout invite à se taire, une femme agressée et harcelée sait et se plaindre et se faire entendre. Quel regard est-ce que vous portez sur la libération de la parole à laquelle on assiste depuis 2 ans et demi ici, aujourd'hui? Ben, ce que j'aimerais beaucoup qu'on dise, c'est que ça a toujours existé. En tout cas, qu'au XVIIIe siècle, c'est les femmes, je ne sais pas, après, je connais moins le XIXe, mais en tout cas, aussi bien pour les problèmes de pédophilie, de toucher un enfant, etc. Il y a, les archives de police sont remplies de plaintes dans ce domaine. Et donc, c'est quelque chose que j'aimerais dire, parce qu'on dit toujours « Ah oui, c'était une autre époque. Alors, on pouvait faire ça parce que c'était pas grave d'être pédophile. » Ou « Ben, on pouvait quand même lui toucher les seins. Ce qui est totalement faux. » En 1950. Et... Non, mais ça va pas. Et donc, moi, je trouve que ça va pas. Et je trouve qu'il faudrait qu'il y ait des gens qui puissent dire « Mais écoutez, depuis longtemps, ça n'est pas été admis. » Et même par la police. Parce que la police, elle pourrait rire et dire « Bon, ben, au revoir et merci. » Et non. Et non. Et il y a les hommes, en général, vont en prison plus ou moins. Mais en tout cas, il y a des dommages d'intérêt, etc. Il y a quelque chose, il y a une sanction. Cette relative liberté de la parole des femmes dans le Paris du XVIIIe siècle, comment est-ce qu'elle s'explique, en fait? Quelles conditions faut-il Elle s'explique parce que on est hommes et femmes, on est tout le temps ensemble. À la taverne. Alors, il y a l'ivresse aussi. Hein. On boit beaucoup, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et, la taverne, Arlette. Oui, donc ça aide quand même. Bon, mais justement, Donc, on travaille effectivement, on se rencontre. Paris, c'est aussi mi-urbain, mi-rural. Il y a des bosquets aux Champs-Élysées. On peut se glisser sous un bosquet et faire ce qu'on a envie de faire. Calmons-nous. Non, mais je vous dis la vérité. Et ça ne veut pas dire, hein, je veux pas tromper tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'il y a énormément de violence contre les femmes. Hein. Ça, je maintiens vraiment ça. C'est pas un double discours, c'est un discours simultané que je fais là. Il y a des violences contre les femmes, vraiment très très souvent, des mauvais traitements insupportables, horribles, obscènes, terrifiants. Mais il y a aussi une résistance féminine très grande. Et puis surtout, il y a, vous savez, le badinage dans l'escalier, c'est ce qu'il y a de plus, c'est trop joli. Ça veut dire, vous montez l'escalier, puis vous êtes un homme, et puis vous avez un petit ruban dans la poche. Puis vous voyez une jolie fille qui descend l'escalier, et puis vous lui offrez son ruban. Elle est contente souvent. Ou bien elle vous flanque dehors. Et ben voilà, on vit comme ça. Et en même temps, il y a des codes à respecter, c'est-à-dire autant les seins sont visibles, autant il est absolument interdit de toucher les boucles de cheveux. Alors voilà, il y a des choses très très différentes. Mais il y a quelque chose entre les hommes et les femmes qui fait qu'elles ont une grande, grande puissance. C'est des émeutières qui sont vraiment toujours présentes. C'est des indignations, des colères collectives. Votre parole à vous, en tant que femme, en tant que citoyenne, en tant qu'historienne aussi, elle a toujours été libre, Arlette Farm? Voilà la question. Alors, toujours été libre. Écoutez... Pas toujours. C'est-à-dire qu'il a quand même fallu que je fasse les choses comme il fallait les faire si on veut être au CNRS et entrer au CNRS et pouvoir suivre. Voilà. Mais pas au point de vous déshonorer. Si vous voulez, j'ai fait mon parcours un peu de façon solitaire. Les gens disaient elle est gentille, quoi. Mais c'est pas vraiment. Reconnaissait pas vraiment que c'est l'histoire, puis tout d'un coup le goût de l'archive, et puis aussi la rencontre avec Michel Foucault, etc. Ça a effectivement fait basculer et ma vie et le regard porté sur moi. On va reparler de tout ça, évidemment, de liberté de parole, de féminin, de ville aussi, juste après Juliette Gréco, Paname, en 1960. Vous êtes sur France Inter avec Arlette Farge. Vous écoutez Boomerang. Paname. On t'a chanté sur tous les tons, y a plein de paroles dans tes chansons qui parlent de quoi donc, Paname. Paname, moi c'est tes yeux, moi c'est ta peau, que je veux baiser comme il faut, comme savent baiser les gigolos. Paname, le soleil a mis son pyjama, toi tu t'allumes et dans tes bas, y a Monsieur Haussmann qui te fait du plat. Paname. Et viens m'aimer comme autrefois, la nuit surtout, quand toi et moi, on marchait vers, on ne savait quoi. Paname, y a des noms de rues que l'on oublie, c'est dans ces rues qu'après minuit, tu me faisais voir ton petit Paris. Paname, quand tu chialais dans tes klaxons, perdu là-bas parmi les hommes, tu venais vers moi comme une vraie mouche. Paname, ce soir j'ai envie de danser, de danser avec tes pavés, que le monde regarde avec ses pieds. Paname, t'es belle, tu sais, sous tes lampions. Des fois quand tu pars en saison, dans les bras d'un accordéon. Paname, quand tu t'habilles avec du bleu, ça fait sortir les amoureux, qui disent à Paris tous les deux. Paname, quand tu t'habilles avec du gris, les couturiers n'ont qu'un souci, c'est de foutre en gris toutes les souris. pas d'âme. Quand tu t'ennuies, tu fais les quais, tu fais la scène et les noyés. Ça fait prendre l'air, ça distrait, Paname. C'est fou ce que tu peux faire causer, mais les gens savent pas qui tu es. Ils vivent chez toi, mais te voient jamais. Paname, si tu souriais, j'aurais ton charme. Si tu pleurais, j'aurais tes larmes. Si on te frappait, je prendrais les armes. Paname, tu n'es pas pour moi qu'un frisson, qu'une idée, qu'une fille à chanson. Et c'est pour ça que je crie ton nom. Paname, Paname, Paname, Paname. Sur France Inter. Augustin Trapenard. C'est-à-dire qu'on est quelque part, c'est assez troublant, entre Arletty et Arlette Laguillet, tout en charme, discrétion, vivacité, l'œil qui pétille, le cheveu qui fait mouche, le sourire désarmant d'empathie, avec sa jupe longue et son pull noir, ses boucles d'oreilles pendantes. Ce matin, l'historienne Arlette Farge, invitée de Boomerang, pour parler de tout ce qui pendant longtemps semble avoir été oublié par les historiens. Et en vous penchant sur le XVIIIe siècle, Arlette, vous avez été amenée à vous intéresser à ce qu'on appelle le peuple, un peuple qui fait peur. Qu'est-ce qui effraie chez le peuple? Son potentiel insurrectionnel, révolutionnaire, c'est ça qui fait peur? Dès qu'il se rassemble, il fait peur. Le peuple, oui, il fait peur. Et c'est vraiment le paradoxe, d'ailleurs, de la monarchie et de l'État à cette époque-là, c'est le fait de le tenir pour rien, oui. De penser qu'il est inepte, qu'il est imbécile, qu'il est femelle, d'ailleurs. Dans les textes, on trouve ça, le peuple, il est femelle. Un profond mépris, oui. Très profond mépris, et par ailleurs, une sensibilité constante avec des inspecteurs partout cachés pour savoir ce qui se dit dans les cafés, etc., s'il va pas y avoir une assemblée qui va se faire. Or, c'est vrai, il y a une... Puisque tout le monde vit dans l'espace public et qu'il n'y a pas très peu d'espace privé, tout prend forme et tout peut être objet de rassemblement et plus que ça, de colère. Alors c'est passionnant, évidemment, au regard de ce qui se joue aujourd'hui, à un moment où la colère sociale s'exprime partout, depuis des mois. À quoi est-ce que vous avez l'impression d'assister, vous, aujourd'hui? Ah ben j'ai vraiment l'impression d'assister à quelque chose. Alors moi je fais pas de comparaison, je dis pas c'est comme le 18e et tout, parce que je trouve pas que ce soit des arguments. Non mais on y pense sans cesse en lisant votre texte. Mais ce que je pense, c'est qu'il se passe quelque chose d'extraordinairement troublant, qu'il y a énormément de choses que les autorités ne comprennent pas, que même peut-être les citoyens ne comprennent pas, que peut-être nous-mêmes nous ne comprenons pas. Mais il y a une espèce d'effervescence qui est très très forte et qui est très troublante, enfin qui peut faire peur, ou bien qui peut au contraire se dire ben on va quelque part. La connaissance du passé permet-elle de prédire l'avenir? Non, jamais. Ah ben jamais. Ce qui est prévisible en histoire, c'est son imprévisibilité. C'était un de mes professeurs qui disait ça, et rien que pour ça, je l'embrassais à la fin du cours. C'est un texte sur votre métier que vous nous avez écrit justement, Arlette, un texte sur ce que c'est que d'être historienne. Aujourd'hui, on vous écoute. Être historienne ne peut exister si l'on n'est pas passionné par le présent, celui qui fuit si rapidement sous nos yeux avant de devenir le futur. Aussi est-il nécessaire de porter sur l'histoire un regard qui renseigne sur une certaine vision du monde. Pour ma part, être chercheuse en histoire, cela veut dire rendre visible l'invisible, le non-su, les faibles intensités, ce qui ne se perçoit pas immédiatement et ne fait pas partie de ce qu'on appelle les grands événements. Aussi ai-je tellement aimé travailler sur les frêles instants de vie, pour transmettre au mieux ce que furent les sensibilités et les émotions vécues autrefois. Rien de ce qui semble furtif n'est négligeable, car il révèle ce souffle de l'air qui entourait ceux qui nous ont précédés et qui nous effleure encore, comme le disait Walter Benjamin, que j'aime tant. Notre monde a été habité par tant d'êtres à nous invisibles, esselés dans la pauvreté, la misère, ou au cours de guerres et de vagues migratoires intenses, qu'il faut que l'histoire les rende comme autant de sujets actifs, sensibles et pensants. Alors il y a deux thèmes qui me retiennent essentiellement. Le champ heurté, saccadé, des émotions personnelles et politiques qui fabriquent l'histoire jour après jour. Les sursauts des êtres humains et des collectivités poussés par la joie, par l'euphorie, ou par la lassitude et l'indignation. Leurs à-coups donnent le tempo de notre présence si chaotique. Et puis, pour mieux comprendre la stabilité et l'instabilité du monde, me vient à l'esprit de réfléchir aux relations entre les hommes et les femmes, au passé comme au présent, à l'amour, en somme. L'amour, oui, cette plaine accidentée. S'il frissonne au premier printemps, il ondule l'été, c'est la fête et le feu. L'amour vient, s'enfuit, il a ses maux, ses chagrins, ses extases aussi. Eros et Thanatos s'y livrent à un bien étrange combat. Sous ses apparences de charme et d'aurore, à chaque jour revenu, il fait peur. À beaucoup et à chacun, aux religions et aux sociétés. On ne se promène pas indûment sur les rives de l'amour, et cela depuis toujours. Aimer l'histoire, c'est aimer le monde, aimer l'autre. C'est incroyable ce que vous écrivez, Arlette Farge. Que peut l'amour dans une société, en fin de compte? Il peut beaucoup. Il peut vraiment beaucoup. Et pourquoi est-ce qu'il fait si peur? Il fait peur parce que il est tellement, il y a tellement de passion, tellement d'incandescence dans l'amour, que évidemment il y a des désordres, que bien sûr il y a des lieux où les autorités religieuses ou sociales ne veulent pas que l'amour aille. L'amour aille. Et oui, il fait peur, mais il fait peur aussi à nous. Faut peut-être avoir peur de ce désordre et l'accepter, l'embrasser. Merci tellement, Arlette, d'être venue faire un tour dans cette émission. Et comme j'invite les auditeurs à se plonger dans vos vies oubliées, publiées aux éditions de La Découverte, à redécouvrir aussi le goût de l'archive, dire et mal dire, vivre dans la rue à Paris au XVIIIe siècle, les passants où il me faut te dire j'en passe, tout de suite les médias. Sonia De Villers, juste après ça. I had a dream, I got everything I wanted, not what you think, and if I'm being honest, it might have been a nightmare, to anyone who might care, thought I could fly, so I stepped off the golden. Nobody cried. Nobody even noticed. I saw them standing right there. Kinda thought they might care. I had a dream. I got everything I wanted. But when I wake up, I see you with me. And you say, as long as I'm here, no one can hurt you. Don't wanna lie here, but you can learn to. If I could change the way that you see yourself, you wouldn't. I tried to scream, but my head was underwater. They called me weak, like I'm not just somebody's daughter. It could have been a nightmare, but it felt like they were right there. And it feels like yesterday was a year ago. Everybody wants something from me now, and I don't wanna let them down. Everything I Wanted, Billie Eilish sur France Inter. Et tout de suite, c'est l'heure de l'instant M. Ça va, Sonia? Ouais, qu'est-ce qu'elle est belle, cette chanson. Ouais. À demain, Augustin. À demain.